L'Empire des signes de Roland Barthes. Extrait lu par Denis Podalydès de la Comédie Française. Si je veux imaginer un peuple fictif, je puis lui donner un nom inventé, le traiter déclarativement comme un objet romanesque, fonder une nouvelle Garabagne, de façon à ne compromettre aucun pays réel dans ma fantaisie. Mais alors, c'est cette fantaisie même que je compromets dans les signes de la littérature. Je puis aussi, sans prétendre en rien représenter ou analyser la moindre réalité, ce sont les gestes majeurs du discours occidental, prélever quelque part dans le monde, là-bas, un certain nombre de traits, mots graphiques et linguistiques, et de ces traits, former délibérément un système. C'est ce système que j'appellerai le Japon. L'Orient et l'Occident ne peuvent donc être pris ici comme des réalités que l'on essaierait d'approcher et d'opposer historiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement. Je ne regarde pas amoureusement vers une essence orientale. L'Orient m'est indifférent. Il me fournit simplement une réserve de traits dont la mise en batterie, le jeu inventé, me permettent de flatter l'idée d'un système symbolique inouï, entièrement dépris du nôtre. Ce qui peut être visé, dans la considération de l'Orient, ce ne sont pas d'autres symboles, une autre métaphysique, une autre sagesse, encore que celles-ci apparaissent bien désirables. C'est la possibilité d'une différence, d'une mutation, d'une révolution dans la propriété des systèmes symboliques. Il faudrait faire un jour l'histoire de notre propre obscurité, manifester la compacité de notre narcissisme, recenser le long des siècles les quelques appels de différence que nous avons pu parfois entendre, les récupérations idéologiques qui ont immanquablement suivi et qui consistent à toujours acclimater notre inconnaissance de l'Asie grâce à des langages connus, l'Orient de Voltaire, de la Revue Asiatique, de Loti ou d'Air France. Aujourd'hui, il y a sans doute 1000 choses à apprendre de l'Orient. Un énorme travail de connaissance sera nécessaire. Son retard ne peut être que le résultat d'une occultation idéologique. Mais il faut aussi que, acceptant de laisser de part et d'autre d'immenses zones d'ombre, le Japon capitaliste, l'acculturation américaine, le développement technique, un mince filet de lumière cherche non d'autres symboles, mais la fissure même du symbolique. Cette fissure ne peut apparaître au niveau des produits culturels. Ce qui est présenté ici n'appartient pas, du moins on le souhaite, à l'art, à l'urbanisme japonais, à la cuisine japonaise. L'auteur n'a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait plutôt le contraire. Le Japon l'a étoilé d'éclairs multiples, ou mieux encore, le Japon l'a mis en situation d'écriture. Cette situation est celle-là même où s'opère un certain ébranlement de la personne, un renversement des anciennes lectures, une secousse du sens, déchirée, exténuée jusqu'à son vide insubstituable, sans que l'objet cesse jamais d'être signifiant, désirable. L'écriture est en somme, à sa manière, un satori. Le satori, l'événement zen, est un séisme plus ou moins fort, nullement solennel, qui fait vaciller la connaissance, le sujet. Il opère un vide de parole. Et c'est aussi un vide de parole qui constitue l'écriture. C'est de ce vide que partent les traits dont le zen, dans l'exemption de tout sens, écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets, les visages, la violence. La langue inconnue. Le rêve. Connaître une langue étrangère, étrange, et cependant ne pas la comprendre. Percevoir en elle la différence, sans que cette différence soit jamais récupérée par la socialité superficielle du langage, communication ou vulgarité. Connaître, réfracter positivement dans une langue nouvelle les impossibilités de la nôtre. apprendre la systématique de l'inconcevable, défaire notre réel sous l'effet d'autres découpages, d'autres syntaxes, découvrir des positions inouïes du sujet dans l'énonciation, déplacer sa topologie, en un mot, descendre dans l'intraduisible, en éprouver la secousse sans jamais l'amortir, jusqu'à ce qu'en nous tous, tout l'Occident s'ébranle et que vacillent les droits de la langue paternelle, celle qui nous vient de nos pères et qui nous fait à notre tour pères et propriétaires d'une culture que précisément l'histoire transforme en nature. Nous savons que les concepts principaux de la philosophie aristotélicienne ont été en quelque sorte contraints par les principales articulations de la langue grecque. Combien, inversement, il serait bienfaisant de se transporter dans une vision des différences irréductibles que peut nous suggérer, par lueur, une langue très lointaine. Tel chapitre de Sapir ou de Worf sur les langues Chinook, Nootka, Hopi, de Granet sur le chinois, tel propos d'un ami sur le japonais ouvre le romanesque intégral, dont seuls quelques textes modernes peuvent donner l'idée, mais aucun roman, permettant d'apercevoir un paysage que notre parole, celle dont nous sommes propriétaires, ne pouvait à aucun prix ni deviner ni découvrir. Ainsi, en japonais, la prolifération des suffixes fonctionnels et la complexité des enclitiques supposent que le sujet s'avance dans l'énonciation à travers des précautions, des reprises, des retards et des insistances dont le volume final, on ne saurait plus alors parler d'une simple ligne de mots, fait précisément du sujet une grande enveloppe vide de la parole. Et non ce noyau plein qui est censé diriger nos phrases, de l'extérieur et de haut, en sorte que ce qui nous apparaît comme un excès de subjectivité, le japonais, dit-on, énonce des impressions, non des constats, est bien davantage une manière de dilution, d'hémorragie du sujet dans un langage parcellé, particulé, diffracté jusqu'au vide. Ou encore ceci. Comme beaucoup de langues, le japonais distingue l'animé, humain et ou animal, de l'inanimé, notamment au niveau de ses verbes « être ». Or, les personnages fictifs qui sont introduits dans une histoire du genre « Il était une fois un roi » sont affectés de la marque de l'inanimé, alors que tout notre art s'essouffle à décréter la vie, la réalité des êtres romanesques, la structure même du japonais ramène ou retient ces êtres dans leur qualité de produit, de signe coupé de l'alibi référentiel par excellence, celui de la chose vivante. Ou encore, d'une façon plus radicale, puisqu'il s'agit de concevoir ce que notre langue ne conçoit pas, comment pouvons-nous imaginer un verbe qui soit à la fois sans sujet, sans attribut et cependant transitif ? Comme par exemple un acte de connaissance sans sujet connaissant et sans objet connu. C'est pourtant cette imagination qui nous est demandée devant le dhyana hindou, origine du chan chinois et du zen japonais, que l'on ne saurait évidemment traduire par méditation, sans y ramener le sujet et le dieu. Chassez-les, ils reviennent, et c'est notre langue qu'ils chevauchent. Ces faits, et bien d'autres, persuadent combien il est dérisoire de vouloir contester notre société sans jamais penser les limites mêmes de la langue par laquelle, rapport instrumental, nous prétendons la contester. C'est vouloir détruire le loup en se logeant confortablement dans sa gueule. Ces exercices d'une grammaire aberrante auraient au moins l'avantage de porter le soupçon sur l'idéologie même de notre parole. Le rendez-vous. Ouvrez un guide de voyage. Vous y trouverez d'ordinaire un petit lexique, mais ce lexique portera bizarrement sur les choses ennuyeuses et inutiles. La douane, la poste, l'hôtel, le coiffeur, le médecin, les prix. Cependant, qu'est-ce que voyager ? Rencontrer. Le seul lexique important est celui du rendez-vous. L'eau et le flocon. Le plateau de repas semble un tableau des plus délicats. C'est un cadre qui contient sur fond sombre des objets variés, bol, boîte, soucoupe, baguette, menu tas d'aliments, un peu de gingembre gris, quelques brins de légumes orange, un fond de sauce brune. Et comme ces récipients et ces morceaux de nourriture sont exigus et ténus, mais nombreux, on dirait que ces plateaux accomplissent la définition de la peinture qui, au dire de Piero della Francesca, n'est qu'une démonstration de surface et de corps devenant toujours plus petits ou plus grands suivant leurs termes. Cependant, un tel ordre, délicieux lorsqu'il apparaît, est destiné à être défait, refait selon le rythme même de l'alimentation. Ce qui était tableau figé au départ devient établi ou échiquier, espace, non d'une vue, mais d'un faire ou d'un jeu. La peinture n'était au fond qu'une palette, une surface de travail, dont vous allez jouer au fur et à mesure que vous mangerez, puisant ici une pincée de légumes, là de riz, là de condiments, là une gorgée de soupe, selon une alternance libre, à la façon d'un graphiste, précisément japonais, installé devant un jeu de godets et qui, tout à la fois, sait et hésite. De la sorte, sans être nié ou diminué, il ne s'agit pas d'une indifférence à l'égard de la nourriture, attitude toujours morale, l'alimentation reste empreinte d'une sorte de travail ou de jeu, qui porte moins sur la transformation de la matière première, objet propre de la cuisine, mais la nourriture japonaise est peu cuisinée, les aliments arrivent naturels sur la table, la seule opération qu'ils aient vraiment subie c'est d'être découpés, que sur l'assemblage mouvant et comme inspiré d'éléments dont l'ordre de prélèvement n'est fixé par aucun protocole, vous pouvez alterner une gorgée de soupe, une bouchée de riz, une pincée de légumes, tout le fer de la nourriture étant dans la composition. En composant vos prises, vous faites vous-même ce que vous mangez. Le mets n'est plus un produit réifié, dont la préparation est chez nous pudiquement éloignée dans le temps et dans l'espace, repas élaborés à l'avance derrière la cloison d'une cuisine, pièce secrète où tout est permis pourvu que le produit n'en sorte que composé, orné, embaumé, fardé, d'où le caractère vivant, ce qui ne veut pas dire naturel, de cette nourriture, qui semble, en toute saison, accomplir le vœu du poète « Oh, célébrer le printemps par des cuisines exquises !» De la peinture. La nourriture japonaise prend encore la qualité la moins immédiatement visuelle, la qualité la plus profondément engagée dans le corps, attachée au poids et au travail de la main qui trace ou couvre, et qui est non la couleur, mais la touche. Le riz cuit, dont l'identité absolument spéciale est attestée par un nom particulier qui n'est pas celui du riz cru, ne peut se définir que par une contradiction de la matière. Il est à la fois cohésif et détachable. Sa destination substantielle est le fragment, le léger conglomérat. Il est le seul élément de pondération de la nourriture japonaise, antinomique à la nourriture chinoise. Il est ce qui tombe, par opposition à ce qui flotte. Il dispose dans le tableau une blancheur compacte, granuleuse, au contraire de celle du pain, et cependant friable. Ce qui arrive sur la table, serré, collé, se défait, d'un coup de la double baguette, sans cependant jamais s'éparpiller, comme si la division n'opérait que pour produire encore une cohésion irréductible. C'est cette défection mesurée, incomplète, qui, au-delà ou en deçà de la nourriture, est donnée à consommer. De la même façon, mais à l'autre extrémité des substances, la soupe japonaise, ce mot de soupe est indûment épais et potage sans la pension de famille. De la même façon, la soupe japonaise dispose dans le jeu alimentaire une touche de clarté. Chez nous, une soupe claire est une soupe pauvre, mais ici, la légèreté du bouillon, fluide comme de l'eau, la poussière de soja ou de haricots qui s'y déplace, la rareté des deux ou trois solides, brins d'herbe, filaments de légumes, parcelles de poisson, qui divisent en flottant cette petite quantité d'eau, donne l'idée d'une densité claire, d'une nutritivité sans graisse, d'un élixir d'autant plus réconfortant qu'il est pur, quelque chose d'aquatique, plus que d'aqueux, de délicatement marin amène une pensée de source, de vitalité profonde. Ainsi, la nourriture japonaise s'établit-elle dans un système réduit de la matière, du clair au divisible, dans un tremblement du signifiant. Ce sont là les caractères élémentaires de l'écriture, établis sur une sorte de vacillation du langage, et telle apparaît bien la nourriture japonaise. Une nourriture écrite, tributaire des gestes de division et de prélèvement qui inscrivent l'aliment non sur le plateau du repas, rien à voir avec la nourriture photographiée, les compositions coloriées de nos journaux féminins, mais dans un espace profond qui dispose en étagement l'homme, la table et l'univers. Car l'écriture est précisément cet acte qui unit dans le même travail ce qui ne pourrait être saisi ensemble dans le seul espace plat de la représentation. Centre-ville, centre-vide. Les villes quadrangulaires, réticulaires, Los Angeles par exemple, produisent, dit-on, un malaise profond. Elles blessent en nous un sentiment synesthésique de la ville, qui exige que tout espace urbain ait un centre où aller, d'où revenir, un lieu complet dont rêver et par rapport à quoi se diriger ou se retirer, en un mot, s'inventer. Pour de multiples raisons, historiques, économiques, religieuses, militaires, l'Occident n'a que trop bien compris cette loi. Toutes ces villes sont concentriques, mais aussi, conformément au mouvement même de la métaphysique occidentale, pour laquelle tout centre est le lieu de la vérité, le centre de nos villes est toujours plein. Lieu marqué, c'est en lui que se rassemblent et se condensent les valeurs de la civilisation, la spiritualité, avec les églises, le pouvoir, avec les bureaux, l'argent, avec les banques, la marchandise, avec les grands magasins, la parole, avec les agoras, cafés et promenades. Aller dans le centre, c'est rencontrer la vérité sociale, c'est participer à la plénitude superbe de la réalité. La ville dont je parle, Tokyo, présente ce paradoxe précieux. Elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d'un lieu à la fois interdit et indifférent, demeure masquée sous la verdure, défendue par des fossés d'eau, habitée par un empereur qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire, à la lettre, par on ne sait qui. Journellement, de leur conduite preste, énergique, expéditive comme la ligne d'un tir, les taxis évitent ce cercle dont la crête basse, forme visible de l'invisibilité, cache le rien sacré. L'une des deux villes les plus puissantes de la modernité est donc construite autour d'un anneau opaque de murailles, d'eau, de toits et d'arbres, dont le centre lui-même n'est plus qu'une idée évaporée. Subsistant là non pour irradier quelques pouvoirs, mais pour donner à tout le mouvement urbain l'appui de son vide central, obligeant la circulation à un perpétuel dévoiement. De cette manière, nous dit-on, l'imaginaire se déploie circulairement, par détours et retours, le long d'un sujet vide. Sans adresse. Les rues de cette ville n'ont pas de nom. Il y a bien une adresse écrite, mais elle n'a qu'une valeur postale. Elle se réfère à un cadastre, par quartier, par bloc, nullement géométrique, dont la connaissance est accessible aux facteurs, non aux visiteurs. La plus grande ville du monde est pratiquement inclassée. Les espaces qui la composent en détail sont innommés. Cette oblitération domiciliaire paraît incommode à ceux comme nous qui ont été habitués à décréter que le plus pratique est toujours le plus rationnel. Principe en vertu duquel la meilleure toponymie urbaine serait celle des rues numéros, comme aux États-Unis ou à Kyoto, ville chinoise. Tokyo nous redit cependant que le rationnel n'est qu'un système parmi d'autres. Pour qu'il y ait maîtrise du réel, en l'occurrence celui des adresses, il suffit qu'il y ait système. Ce système, fût-il apparemment illogique, inutilement compliqué, curieusement disparates. Un bon bricolage peut non seulement tenir très longtemps, on le sait, mais encore il peut satisfaire des millions d'habitants, dressés d'autre part à toutes les perfections de la civilisation technicienne. L'anonymat est suppléé par un certain nombre d'expédients, c'est du moins ainsi qu'ils nous apparaissent, dont la combinaison forme système. On peut figurer l'adresse par un schéma d'orientation, dessiné ou imprimé, sorte de relevé géographique qui situe le domicile à partir d'un repère connu, une gare par exemple, les habitants excellent à ces dessins impromptus, où l'on voit s'ébaucher à même un bout de papier une rue, un immeuble, un canal, une voie ferrée, une enseigne, et qui font de l'échange des adresses une communication délicate, où reprend place une vie du corps, un art du geste graphique. Il est toujours savoureux de voir quelqu'un écrire, à plus forte raison dessiner. De toutes les fois où l'on m'a de la sorte communiqué une adresse, je retiens le geste de mon interlocuteur, retournant son crayon pour frotter doucement de la gomme placée à son extrémité la courbe excessive d'une avenue, la jointure d'un viaduc. Bien que la gomme soit un objet contraire à la tradition graphique du Japon, il venait encore de ce geste quelque chose de paisible, de caressant et de sûr, comme si, même dans cet acte futile, le corps travaillait avec plus de réserve que l'esprit, conformément aux préceptes de l'acteur Zéami. La fabrication de l'adresse l'emportait de beaucoup sur l'adresse elle-même. Et, fasciné, j'aurais souhaité que l'on mît des heures à me donner cette adresse. On peut aussi, pour peu que l'on connaisse déjà l'endroit où l'on va, diriger soi-même le taxi de rue en rue. On peut enfin prier le chauffeur de se faire lui-même guider par le visiteur lointain chez qui l'on va, à partir de l'un de ces gros téléphones rouges installés à presque tous les éventails d'une rue. Tout cela fait de l'expérience visuelle un élément décisif de l'orientation. Proposition banale, s'il s'agissait de la jungle ou de la brousse, mais qu'il est beaucoup moins concernant une très grande ville moderne, dont la connaissance est d'ordinaire assurée par le plan, le guide, l'annuaire de téléphone, en un mot la culture imprimée, et non la pratique gestuelle. Ici, au contraire, la domiciliation n'est soutenue par aucune abstraction. Or, le cadastre, elle n'est qu'une pure contingence. Bien plus factuelle que légale, elle cesse d'affirmer la conjonction d'une identité et d'une propriété. Cette ville ne peut être connue que par une activité de type ethnographique. Il faut s'y orienter, non par le livre, l'adresse, mais par la marche, la vue, l'habitude, l'expérience. Toute découverte y est intense et fragile. Elle ne pourra être retrouvée que par le souvenir de la trace qu'elle a laissée en nous. Visiter un lieu pour la première fois, c'est de la sorte commencer à l'écrire. L'adresse n'étant pas écrite, il faut bien qu'elle fonde elle-même sa propre écriture. Les paquets. Si les bouquets, les objets, les arbres, les visages, les jardins et les textes, si les choses et les manières japonaises nous paraissent petites, notre mythologie exalte le grand, le vaste, le large, l'ouvert, ce n'est pas en raison de leur taille. C'est parce que tout objet, tout geste, même le plus libre, le plus mobile, paraît encadré. La miniature ne vient pas de la taille, mais d'une sorte de précision que la chose met à se délimiter, à s'arrêter, à finir. Cette précision n'a rien de raisonnable ou de moral. La chose n'est pas nette d'une façon puritaine, par propreté, franchise ou objectivité, mais plutôt par un supplément hallucinatoire, analogue à la vision issue du haschich, au dire de Baudelaire, ou par une coupure qui ôte à l'objet le panache du sens et retire à sa présence, à sa position dans le monde, toute tergiversation. Cependant, ce cadre est invisible. La chose japonaise n'est pas cernée, enluminée. Elle n'est pas formée d'un contour fort, d'un dessin que viendrait remplir la couleur, l'ombre, la touche. Autour d'elle, il y a rien. Un espace vide qui la rend mat et donc, à nos yeux, réduite, diminuée, petite. On dirait que l'objet déjoue d'une manière à la fois inattendue et réfléchie l'espace dans lequel il est toujours situé. Par exemple, la chambre garde des limites écrites. Ce sont les nattes du sol, les fenêtres plates, les parois tendues de baguettes, image pure de la surface, dont on ne distingue pas les portes à glissière. Tout ici est trait, comme si la chambre était écrite d'un seul coup de pinceau. Cependant, par une disposition seconde, cette rigueur est à son tour déjouée. Les parois sont fragiles, crevables, les murs glissent, les meubles sont escamotables, en sorte qu'on retrouve dans la pièce japonaise cette fantaisie, d'habillement notamment, grâce à laquelle tout japonais déjoue, sans se donner la peine ou le théâtre de le subvertir, le conformisme de son cadre. Ou encore, dans un bouquet japonais, rigoureusement construit, selon le langage de l'esthétique occidentale, et quelles que soient les intentions symboliques de cette construction, énoncées dans tout guide du Japon et dans tout livre d'art sur l'ikebana, ce qui est produit, c'est la circulation de l'air, dont les fleurs, les feuilles, les branches, mot bien trop botanique, ne sont en somme que les parois, les couloirs, les chicanes, délicatement tracés selon l'idée d'une rareté que nous dissocions pour notre part de la nature, comme si la profusion seule prouvait le naturel. Le bouquet japonais a un volume. Chef-d'œuvre inconnu, à la façon dont le rêvait Fraunhofer, le héros de Balzac, qui voulait que l'on pût passer derrière le personnage peint, on peut avancer le corps dans l'interstice de ses branches, dans les jours de sa stature, non point le lire son symbolisme, mais refaire le trajet de la main qui l'a écrit. Écriture véritable, puisqu'elle produit un volume, et que, refusant à la lecture d'être le simple déchiffrement d'un message, fût-il hautement symbolique, elle lui permet de refaire le tracé de son travail. Ou enfin, et surtout, sans même tenir pour emblématique le jeu connu des boîtes japonaises, l'une logée dans l'autre jusqu'au vide, on peut déjà voir une véritable méditation sémantique dans le moindre paquet japonais. Géométrique, rigoureusement dessiné et pourtant toujours signé quelque part d'un pli, d'un nœud, asymétrique par le soin, la technique même de sa confection, le jeu du carton, du bois, du papier, des rubans, il n'est plus l'accessoire passager de l'objet transporté, mais devient lui-même objet. L'enveloppe, en soi, est consacrée comme chose précieuse, quoique gratuite. Le paquet est une pensée. Ainsi, dans une revue vaguement pornographique, l'image d'un jeune japonais nu, ficelé très régulièrement comme un saucisson. L'intention sadique, bien plus affichée qu'accomplie, est naïvement ou ironiquement absorbée dans la pratique, non d'une passivité, mais d'un art extrême, celui du paquet, du cordage. Cependant, par sa perfection même, cette enveloppe, souvent répétée, on n'en finit pas de défaire le paquet, recule la découverte de l'objet qu'elle renferme, et qui est souvent insignifiant, car c'est précisément une spécialité du paquet japonais que la futilité de la chose soit disproportionnée au luxe de l'enveloppe. Une confiserie, un peu de pâte sucrée de haricots, un souvenir vulgaire, comme le Japon sait malheureusement en produire, sont emballés avec autant de somptuosité qu'un bijou. On dirait en somme que c'est la boîte qui est l'objet du cadeau, non ce qu'elle contient. Des nuées d'écoliers en excursion d'un jour ramènent à leurs parents un beau paquet contenant on ne sait quoi, comme s'ils étaient partis très loin et que ce leur fût une occasion de s'adonner par bande à la volupté du paquet. Ainsi, la boîte joue au signe. Comme enveloppe, écran, masque, elle vaut pour ce qu'elle cache, protège et cependant désigne. Elle donne le change, si l'on veut bien prendre cette expression dans son double sens, monétaire et psychologique. Mais cela même qu'elle renferme et signifie est très longtemps remise à plus tard, comme si la fonction du paquet n'était pas de protéger dans l'espace, mais de renvoyer dans le temps. C'est dans l'enveloppe que semble s'investir le travail de la confection, du faire. Mais par là même, l'objet perd de son existence. Il devient mirage. d'enveloppe en enveloppe, le signifié fuit, et lorsqu'enfin on le tient, il y a toujours un petit quelque chose dans le paquet. Il apparaît insignifiant, dérisoire, vil. Le plaisir, champ du signifiant, a été pris. Le paquet n'est pas vide, mais vidé. Trouver l'objet qui est dans le paquet ou le signifié qui est dans le signe, c'est le jeter. Ce que les Japonais transportent avec une énergie formicante, ce sont en somme des signes vides. Car il y a au Japon une profusion de ce que l'on pourrait appeler les instruments de transport. Ils sont de toutes sortes, de toutes formes, de toutes substances, paquets, poches, sacs, valises, linge, le fujo, mouchoir ou foulard paysan dont on enveloppe la chose. Tout citoyen a dans la rue un baluchon quelconque, un signe vide, énergiquement protégé, prestement transporté, comme si le fini, l'encadrement, le cerne hallucinatoire qui fonde l'objet japonais le destinait à une translation généralisée. La richesse de la chose et la profondeur du sens ne sont congédiés qu'au prix d'une triple qualité imposée à tous les objets fabriqués, qu'ils soient précis, mobiles et vides. Des millions de corps. Un Français, sauf s'il est à l'étranger, ne peut classer les visages français. Il perçoit sans doute des figures communes, mais l'abstraction de ces visages répétés, qui est la classe à laquelle ils appartiennent, lui échappe. Le corps de ses compatriotes, invisible par situation quotidienne, est une parole qu'il ne peut rattacher à aucun code. Le « déjà vu » des visages n'a pour lui aucune valeur intellectuelle. La beauté, s'il la rencontre, n'est jamais pour lui une essence, le sommet ou l'accomplissement d'une recherche, le fruit d'une maturation intelligible de l'espèce, mais seulement un hasard, une protubérance de la platitude, un écart de la répétition. Inversement, ce même Français, s'il voit un Japonais à Paris, le perçoit sous la pure abstraction de sa race, à supposer qu'il ne voit simplement en lui qu'un Asiatique. Entre ces très rares corps japonais, il ne peut introduire aucune différence. Bien plus, après avoir unifié la race japonaise sous un seul type, il rapporte abusivement ce type à l'image culturelle qu'il a du japonais, telle qu'il l'a construite à partir non point même des films, car ces films ne lui ont présenté que des êtres anachroniques, paysans ou samouraïs, qui appartiennent moins au Japon qu'à l'objet, film japonais, mais de quelques photographies de presse, de quelques flashs d'actualité. Et ce japonais archétypique est assez lamentable. C'est un être menu, à lunettes, sans âge, aux vêtements corrects et ternes, petit employé d'un pays grégaire. Au Japon, tout change. Le néant, ou l'excès du code exotique, auquel est condamné chez lui le français en proie à l'étranger, dont il ne parvient pas à faire de l'étrange, s'absorbe dans une dialectique nouvelle de la parole et de la langue, de la série et de l'individu, du corps et de la race. On peut parler à la lettre de dialectique puisque ce que l'arrivée au Japon vous dévoile, d'un seul et vaste coup, c'est la transformation de la qualité par la quantité, du petit fonctionnaire en diversité exubérante. La découverte est prodigieuse. Les rues, les magasins, les bars, les cinémas, les trains déplient l'immense dictionnaire des visages et des silhouettes où chaque corps, chaque mot ne veut dire que lui-même et renvoie cependant à une classe. Ainsi a-t-on à la fois la volupté d'une rencontre, avec la fragilité, la singularité, et l'illumination d'un type, le félin, le paysan, le rond comme une pomme rouge, le sauvage, le lapon, l'intellectuel, l'endormi, le lunaire, le rayonnant, le pensif. Source d'une jubilation intellectuelle, puisque l'immaîtrisable est maîtrisé. Immergé dans ce peuple de 100 millions de corps, on préférera cette comptabilité à celle des âmes, on échappe à la double platitude de la diversité absolue, qui n'est finalement que répétition pure. C'est le cas du français en proie à ses compatriotes. et de la classe unique, mutilée de toute différence, c'est le cas du japonais petit fonctionnaire tel qu'on croit le voir en Europe. Cependant, ici comme dans d'autres ensembles sémantiques, le système vaut par ses points de fuite. Un type s'impose et néanmoins ces individus ne sont jamais trouvés côte à côte. À chaque population que le lieu public vous découvre, analogue en cela à la phrase, vous saisissez des signes singuliers mais connus, des corps neufs mais virtuellement répétés. Dans une telle scène, jamais à la fois deux endormis ou deux rayonnants, et cependant l'un et l'autre rejoignent une connaissance. Le stéréotype est déjoué, mais l'intelligible est préservé. Ou encore, autre fuite du code, des combinaisons inattendues sont découvertes. Le sauvage et le féminin coïncident, le lisse et l'ébouriffé, le dandy et l'étudiant, etc., produisant dans la série des départs nouveaux, des ramifications à la fois claires et inépuisables. On dirait que le Japon impose la même dialectique à ses corps qu'à ses objets. Voyez le rayon des mouchoirs dans un grand magasin. Innombrables, tous dissemblables, et cependant nulle intolérance à la série, nulle subversion de l'ordre. Ou encore les haïkus. Combien de haïkus dans l'histoire du Japon ? Ils disent tous la même chose, la saison, la végétation, la mer, le village, la silhouette. Et cependant, chacun est à sa manière un événement irréductible. Ou encore les signes idéographiques, logiquement inclassables, puisqu'ils échappent à un ordre phonétique arbitraire mais limité, donc mémorable, l'alphabet, et cependant classés dans des dictionnaires, où ce sont admirables présences du corps dans l'écriture et le classement, le nombre et l'ordre des gestes nécessaires au tracé de l'idéogramme qui détermine la typologie des signes. De même les corps, tous japonais et non asiatiques, formant un corps général, mais non pas global comme on nous croit de loin, et pourtant vaste tribu de corps différents, dont chacun renvoie à une classe, qui fuit, sans désordre, vers un ordre interminable, en un mot, ouvert, au dernier moment, comme un système logique. Le résultat, ou l'enjeu, de cette dialectique est le suivant. Le corps japonais va jusqu'au bout de son individualité, comme le maître Zen lorsqu'il invente une réponse saugrenue et déroutante à la question sérieuse et banale du disciple. Mais cette individualité ne peut être comprise au sens occidental. Elle est pure de toute hystérie. Ne vise pas à faire de l'individu un corps original, distingué des autres corps, gagné par cette fièvre promotionnelle qui touche tout l'Occident. L'individualité n'est pas ici clôture, théâtre, surpassement, victoire. Elle est simplement différence, réfractée, sans privilège, de corps en corps. C'est pourquoi la beauté ne s'y définit pas, à l'occidental, par une singularité inaccessible. Elle est reprise ici et là. Elle court de différence en différence, disposée dans le grand syntagme des corps. L'effraction du sens. Le haïku a cette propriété quelque peu fantasmagorique que l'on s'imagine toujours pouvoir en faire soi-même facilement. On se dit, quoi de plus accessible à l'écriture spontanée que ceci de Busson ? C'est le soir, l'automne, je pense seulement à mes parents. Le haïku fait envie. Combien de lecteurs occidentaux n'ont pas rêvé de se promener dans la vie, un carnet à la main, notant ici et là des impressions dont la brièveté garantirait la perfection, dont la simplicité attesterait la profondeur, en vertu d'un double mythe, l'un classique qui fait de la concision une preuve d'art, l'autre romantique qui attribue une prime de vérité à l'improvisation. Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire. Et c'est par cette double condition qu'il semble offert au sens, d'une façon particulièrement disponible, serviable, à l'instar d'un hôte poli qui vous permet de vous installer largement chez lui avec vos manies, vos valeurs, vos symboles. L'absence du haïku, comme on dit aussi bien d'un esprit irréel que d'un propriétaire parti en voyage, appelle la subornation, l'effraction, en un mot, la convoitise majeure, celle du sens. Ce sens précieux, vital, désirable comme la fortune, hasard et argent, Le haïku, débarrassé des contraintes métriques, dans les traductions que nous en avons, semble nous le fournir à profusion, à bon marché et sur commande. Dans le haïku, dirait-on, le symbole, la métaphore, la leçon ne coûte presque rien. À peine quelques mots, une image, un sentiment. Là où notre littérature demande ordinairement un poème, un développement, ou dans le genre bref, une pensée ciselée, bref, un long travail rhétorique. Aussi, le haïku semble donner à l'Occident des droits que sa littérature lui refuse et des commodités qu'elle lui marchande. « Vous avez le droit, dit le haïku, d'être futile, court, ordinaire. Enfermez ce que vous voyez, ce que vous sentez dans un mince horizon de mots, et vous intéresserez. Vous avez le droit de fonder vous-même, et à partir de vous-même, votre propre notable. Votre phrase, quelle qu'elle soit, énoncera une leçon, libérera un symbole, vous serez profond. À moindre frais, votre écriture sera pleine. » L'Occident humecte toute chose de sens, à la manière d'une religion autoritaire qui impose le baptême par population. Les objets de langage, faits avec de la parole, sont évidemment des convertis de droit. Le sens premier de la langue appelle métonymiquement le sens second du discours, et cet appel a valeur d'obligation universelle. Nous avons deux moyens d'éviter au discours l'infamie du non-sens et nous soumettons systématiquement l'énonciation, dans un colmatage éperdu de toute nullité qui pourrait laisser voir le vide du langage, à l'une ou l'autre de ces significations ou fabrications actives de signes, le symbole et le raisonnement, la métaphore et le syllogisme. Le haïku, dont les propositions sont toujours simples, courantes, en un mot acceptables, comme on dit en linguistique, est attiré dans l'un ou l'autre de ces deux empires du sens. Comme c'est un poème, on le range dans cette partie du code général des sentiments que l'on appelle l'émotion poétique. La poésie est ordinairement pour nous le signifiant du diffus, de l'ineffable, du sensible. C'est la classe des impressions inclassables. On parle d'émotion concentrée, de notation sincère d'un instant d'élite, et surtout de silence, le silence étant pour nous signe d'un plein de langage. Si l'un, Joko, écrit « Que de personnes ont passé à travers la pluie d'automne sur le pont de Seta », on y voit l'image du temps qui fuit. Si l'autre, Basho, écrit « J'arrive par le sentier de la montagne, ah, ceci est exquis, une violette », c'est qu'il a rencontré un ermite bouddhiste, fleur de vertu, et ainsi de suite. Pas un trait qui ne soit investi par le commentateur occidental d'une charge de symboles. Ou encore, on veut à tout prix voir dans le tercet du haïku, ces trois vers de 5, 7 et 5 syllabes, un dessin syllogistique en trois temps, la montée, le suspens, la conclusion. La vieille mare, une grenouille saute dedans, oh, le bruit de l'eau. Dans ce singulier syllogisme, l'inclusion se fait de force. Il faut, pour y être contenu, que la mineure saute dans la majeure. Bien entendu, si l'on renonçait à la métaphore ou au syllogisme, le commentaire deviendrait impossible. Parler du haïku serait purement et simplement le répéter. Ce que fait innocemment un commentateur de Basho, « Déjà 4 heures, je me suis levé 9 fois pour admirer la lune. » « La lune est si belle, dit-il, que le poète se lève et se relève sans cesse pour la contempler à sa fenêtre. Déchiffrante, formalisante ou tautologique, les voies d'interprétation destinées chez nous à percer le sens, c'est-à-dire à le faire entrer par effraction et non à le secouer, à le faire tomber, comme la dent du remâcheur d'absurde que doit être l'exercitant zen face à son koan, ne peuvent donc que manquer le haïku, car le travail de lecture qui y est attaché est de suspendre le langage, non de le provoquer. Entreprise dont précisément le maître du haïku, Basho, semblait bien connaître la difficulté et la nécessité. Comme il est admirable, celui qui ne pense pas la vie est éphémère en voyant un éclair. L'exemption du sens. Le zen, tout entier, mène la guerre contre la prévarication du sens. On sait que le bouddhisme déjoue la voie fatale de toute assertion ou de toute négation en recommandant de n'être jamais pris dans les quatre propositions suivantes. Cela est A, cela n'est pas A, c'est à la fois A et non A, ce n'est ni A ni non A. Or, cette quadruple possibilité correspond au paradigme parfait, tel que l'a construit la linguistique structurale, A, non A, ni A, ni non A, degré zéro. A et non A, degré complexe. Autrement dit, la voie bouddhiste est très précisément celle du sens obstrué. L'arcane même de la signification, à savoir le paradigme, est rendu impossible. Lorsque le sixième patriarche donne ses instructions concernant le mondo, exercice de la question-réponse, il recommande, pour mieux brouiller le fonctionnement paradigmatique, dès qu'un terme est posé, de se déporter vers son terme adverse. Si, vous questionnant, quelqu'un vous interroge sur l'être, répondez par le non-être. S'il vous interroge sur le non-être, répondez par l'être. S'il vous interroge sur l'homme ordinaire, répondez en parlant du sage, etc. De façon à faire apparaître la dérision du déclic paradigmatique et le caractère mécanique du sens. Ce qui est visé par une technique mentale dont la précision, la patience, le raffinement et le savoir attestent à quel point la pensée orientale tient pour difficile la péremption du sens, ce qui est visé, c'est le fondement du signe, à savoir la classification, maya. Contraint au classement par excellence, celui du langage, le haïku opère du moins en vue d'obtenir un langage plat, que rien n'assied, sur des couches superposées de sens, ce que l'on pourrait appeler le feuilleté des symboles. Lorsqu'on nous dit que ce fut le bruit de la grenouille qui éveilla Basho à la vérité du zen, on peut entendre, bien que ce soit là une manière encore trop occidentale de parler, que Basho découvrit dans ce bruit, non certes le motif d'une illumination, d'une hyperesthésie symbolique, mais plutôt une fin du langage. Il y a un moment où le langage cesse, moment obtenu à grand renfort d'exercice. Et c'est cette coupure sans écho qui institue à la fois la vérité du zen et la forme, brève et vide, du haïku. La dénégation du développement est ici radicale car il ne s'agit pas d'arrêter le langage sur un silence lourd, plein, profond, mystique, ou même sur un vide de l'âme qui s'ouvrirait à la communication divine. Le zen est sans Dieu. Ce qui est posé ne doit se développer ni dans le discours, ni dans la fin du discours. Ce qui est posé est mat. Et tout ce que l'on peut en faire, c'est le ressasser. C'est cela que l'on recommande à l'exercitant qui travaille un koan, ou anecdote qui lui est proposée par son maître. Non de le résoudre comme s'il avait un sens, non même de percevoir son absurdité, qui est encore un sens, mais de le remâcher jusqu'à ce que la dent tombe. Tout le zen, dans le haikai, n'est que la branche littéraire, apparaît ainsi comme une immense pratique destinée à arrêter le langage, à casser cette sorte de radiophonie intérieure qui émet continuellement en nous, jusque dans notre sommeil. Peut-être est-ce pour cela qu'on empêche les exercitants de s'endormir, à vider, à stupéfier, à assécher le bavardage incoercible de l'âme. Et peut-être ce qu'on appelle dans le zen « satori », et que les occidentaux ne peuvent traduire que par des mots vaguement chrétiens, illumination, révélation, intuition, n'est-il qu'une suspension panique du langage, le blanc qui efface en nous le règne des codes, la cassure de cette récitation intérieure qui constitue notre personne. Et si cet état d'a-langage est une libération, c'est que pour l'expérience bouddhiste, la prolifération des pensées secondes, la pensée de la pensée, ou si l'on préfère, le supplément infini des signifiés surnuméraires, cercle dont le langage lui-même est le dépositaire et le modèle, apparaît comme un blocage. C'est au contraire l'abolition de la seconde pensée qui rompt l'infini vicieux du langage. Dans toutes ces expériences, semble-t-il, il ne s'agit pas d'écraser le langage sous le silence mystique de l'ineffable, mais de le mesurer, d'arrêter cette toupie verbale qui entraîne dans sa giration le jeu obsessionnel des substitutions symboliques. En somme, c'est le symbole comme opération sémantique qui est attaqué. Dans le haïku, la limitation du langage est l'objet d'un soin qui nous est inconcevable, car il ne s'agit pas d'être concis, c'est-à-dire de raccourcir le signifiant sans diminuer la densité du signifié, mais au contraire d'agir sur la racine même du sens pour obtenir que ce sens ne fuse pas, ne s'intériorise pas, ne s'implicite pas, ne se décroche pas, ne divague pas dans l'infini des métaphores, dans les sphères du symbole. La brièveté du haïku n'est pas formelle. Le haïku n'est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d'un coup sa forme juste. La mesure du langage est ce à quoi l'occidental est le plus impropre. Ce n'est pas qu'il fasse trop long ou trop court, mais toute sa rhétorique lui fait un devoir de disproportionner le signifiant et le signifié, soit en délayant le second sous les flots bavards du premier, soit en approfondissant la forme vers les régions implicites du contenu. La justesse du haïku, qui n'est nullement peinture exacte du réel, mais adéquation du signifiant et du signifié, suppression des marges, bavures et interstices qui d'ordinaire excèdent ou ajourent le rapport sémantique, cette justesse a évidemment quelque chose de musical. Musique des sens et non forcément des sons. Le haïku a la pureté, la sphéricité et le vide même d'une note de musique. C'est peut-être pour cela qu'il se dit deux fois, en écho. Ne dire qu'une fois cette parole exquise, ce serait attacher un sens à la surprise, à la pointe, à la soudaineté de la perfection. Le dire plusieurs fois, ce serait postuler que le sens est à découvrir, simuler la profondeur. Entre les deux, ni singulier ni profond, l'écho ne fait que tirer un trait sous la nullité du sens. Le cabinet des signes. En n'importe quel endroit de ce pays, il se produit une organisation spéciale de l'espace. Voyageant dans la rue, en train, le long des banlieues, des montagnes, j'y perçois la conjonction d'un lointain et d'un morcellement, la juxtaposition de chants, au sens rural et visuel, à la fois discontinu et ouvert, des parcelles de théier, de pins, de fleurs mauves, une composition de toits noirs, un quadrillage de ruelles, un agencement dissymétrique de maisons basses, nulle clôture, sinon très basse. Et cependant, je ne suis jamais assiégé par l'horizon et son relent de rêve. Aucune envie de gonfler les poumons, de bomber la poitrine pour assurer mon « moi », pour me constituer en centre assimilateur de l'infini. Amené à l'évidence d'une limite vide, je suis illimité, sans idée de grandeur, sans référence métaphysique. De la pente des montagnes au coin de quartier, tout ici est habitat, et je suis toujours dans la pièce la plus luxueuse de cet habitat. Ce luxe, qui est d'ailleurs celui des kiosques, des corridors, des folies, des cabinets de peinture, des bibliothèques privées, vient de ce que le lieu n'a d'autre limite que son tapis de sensations vives, de signes éclatants, fleurs, fenêtres, feuillages, tableaux, livres. Ce n'est plus le grand mur continu qui définit l'espace, c'est l'abstraction même des morceaux de vue, des vues, qui m'encadre. Le mur est détruit sous l'inscription. Le jardin est une tapisserie minérale de menus volumes, pierres, traces du râteau sur le sable. Le lieu public est une suite d'événements instantanés qui accèdent au notable dans un éclat si vif, si ténu, que le signe s'abolit avant que n'importe quel signifié ait eu le temps de prendre. On dirait qu'une technique séculaire permet au paysage ou au spectacle de se produire dans une pure signifiance, abrupte, vide, comme une cassure. Empire des signes ? Oui, si l'on entend que ces signes sont vides et que le rituel est sans Dieu. Regardez le cabinet des signes, qui était l'habitat malarméen, c'est-à-dire là-bas, toute vue, urbaine, domestique, rurale. Et pour mieux voir comment il est fait, donnez-lui pour exemple le corridor de Chiquidai, tapissé de jour, encadré de vide et n'encadrant rien, décoré sans doute, mais de telle sorte que la figuration fleurs, arbres, oiseaux, animaux soit enlevée, sublimée, déplacée loin du front de la vue. Il n'y a en lui de place pour aucun meuble, mot bien paradoxal puisqu'il désigne ordinairement une propriété fort peu mobile, dont on fait tout pour qu'elle dure. Chez nous, le meuble a une vocation immobilière, alors qu'au Japon, la maison, souvent déconstruite, est à peine plus qu'un élément mobilier. Dans le corridor, comme dans l'idéale maison japonaise, privée de meubles, ou aux meubles raréfiés, il n'y a aucun lieu qui désigne la moindre propriété. Ni siège, ni lit, ni table d'où le corps puisse se constituer en sujet ou maître d'un espace. Le centre est refusé, brûlante frustration pour l'homme occidental, nanti partout de son fauteuil, de son lit, propriétaire d'un emplacement domestique. Incentré, l'espace est aussi réversible. Vous pouvez retourner le corridor de Chiquidai et rien ne se passera, sinon une inversion sans conséquence du haut et du bas, de la droite et de la gauche. Le contenu est congédié sans retour. Que l'on passe, traverse ou s'asseye à même le plancher ou le plafond, si vous retournez l'image, il n'y a rien à saisir. C'était l'Empire des signes de Roland Barthes. Extrait lu par Denis Podalydès de la Comédie Française. Prise de son, Jean-Louis Deloncle. Réalisation, Manouchak Fachaï. L'Empire des signes de Roland Barthes est publié aux éditions du Seuil.